Le livre de l'Apocalypse est difficile à comprendre, mais il contient des trésors sur le plan spirituel, trésors que Dieu est prêt à nous faire découvrir. Les lettres aux sept églises d'Asie, que nous trouvons dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, n'ont pas fini de nous étonner par leur richesse. Et si vous le voulez bien, chers auditeurs, nous allons poursuivre cette étude. La semaine dernière, nous nous sommes laissés arrêter par l'avertissement du Seigneur à l'église d'Éphèse. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Apocalypse 2, verset 4. Tout au début de l'ère chrétienne, l'église d'Éphèse était parvenue au sommet de la consécration, à l'épanouissement de la vie spirituelle, à l'apothéose du service chrétien. Lorsque l'apôtre Paul enseignait à Éphèse dans l'école de Tyrannus, toute la province de l'Asie, c'est-à-dire la partie occidentale de l'actuelle Anatolie, avait entendu parler de Christ. Le livre des Actes le confirme. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Actes 19, 10. Mais plusieurs décennies s'étaient écoulées. Une nouvelle génération de chrétiens s'était constituée. Des enfants de Dieu qui n'avaient pas connu l'apôtre Paul, des croyants qui avaient suivi le mouvement, et peut-être même des gens christianisés mais non sauvés, s'étaient introduits dans la communauté. À cette église qui, après s'être élevée si haut, était tombée si bas, le Seigneur dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Apocalypse chapitre 2, verset 5. Le Seigneur voit mieux que quiconque ce qui caractérise son Église. Il a de hautes ambitions pour elle, il veut le meilleur pour chacun de nous, et lorsque quelque chose ne va pas dans notre vie chrétienne, le Seigneur nous le fait connaître. C'est pourquoi il n'a pas laissé l'Église d'Éphèse à la fin du 1er siècle dans son état de torpeur spirituelle. Il lui a proposé le remède dont elle avait besoin pour être guérie de sa léthargie et retrouver sa joie et sa communion avec lui. Voulons-nous donc, à notre tour, écouter la voix de notre Seigneur et accepter sa thérapie en vue de notre guérison spirituelle? Il nous dit aujourd'hui « Souviens-toi ». Peut-être devons-nous également nous souvenir d'un début prometteur, d'un point de départ où le Seigneur était présent, d'un appel où la parole de Christ s'était adressée à nous directement, d'une conviction qui avait transformé notre existence et qui maintenant s'est peut-être estompée. C'est si facile de se laisser aller, d'oublier les délivrances passées, d'abandonner notre premier amour. Que d'exemples dans l'histoire où des communautés florissantes ont perdu leur vitalité. Au XVIIIe siècle, le protestantisme en Grande-Bretagne avait sombré dans l'apostasie. Mais Dieu suscita Jean Wesley comme apôtre de l'Angleterre. Ce prédicateur itinérant ramena des foules au Dieu de la Bible, et partout des églises méthodistes furent fondées. Le réveil secoua une génération, mais la suivante retomba dans les formes et les traditions. L'œuvre de Wesley se cristallisa dans des communautés somnolentes, oubliant le dynamisme de leur bouillant fondateur. Un siècle plus tard, un jeune homme amenait dans une église méthodiste de Londres des ivrognes et des prostituées qu'il avait rencontrées dans les quartiers proches de la Tamise. Après le culte, les anciens lui firent une sévère recommandation. « N'introduisez plus dans ce saint lieu des gens qui sentent mauvais. » Le jeune homme se le tint pour dit et lui-même ne revint plus dans cette église. Occupé qu'il était à ouvrir la salle de la mission intérieure dans les bas-fonds de Londres. Vous l'avez deviné, ce jeune homme se nommait William Booth, fondateur de l'Armée du Salut. Pendant des décennies, le chandelier du témoignage a brillé dans l'Armée du Salut qui a arraché à la perdition des milliers d'âmes précieuses. Mais où en sommes-nous? C'est une question vitale, cruciale, essentielle. Si le Seigneur nous a bénis dans le passé, le chandelier de notre témoignage brille-t-il encore du même éclat qu'autrefois ? Peut-être le message du Seigneur à l'église d'Éphèse nous concerne-t-il aujourd'hui. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. On pense très souvent que la repentance ne concerne que les pécheurs inconvertis. C'est faux. Nous, les chrétiens, devons réapprendre à nous repentir. Chaque fois que l'Esprit de Dieu a agi en puissance de réveil dans l'église du Seigneur, il a poussé les chrétiens à genoux dans la repentance. Nous avons à pleurer sur notre état, à nous jeter à terre dans l'humiliation et à redécouvrir cette relation d'amour qui nous rapproche de Jésus-Christ et qui ensuite nous fait sentir, avec une acuité nouvelle, les profonds besoins du monde qui nous entoure. C'est aux chrétiens d'Éphèse que l'apôtre avait écrit « Étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Éphésiens 3, 17 à 19. Et c'est cette même lettre aux chrétiens d'Éphèse que l'apôtre Paul avait conclue avec ces mots « Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. » Éphésiens 6, 24. Or, l'amour inaltérable s'était altéré. Il fallait donc que l'église d'Éphèse se repente et que ses membres se laissent arrêter par l'Esprit de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, 7. Le mot Éphèse peut signifier désirer. Les désirs du Saint-Esprit pour son église, c'est qu'elle retrouve son point de départ. Le premier amour du jour où le Seigneur l'a appelé et les dispositions de cœur qui la caractérisaient lors de sa rencontre avec le Seigneur. Lorsqu'il était sur la terre, Jésus-Christ avait dit à ses disciples « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Luc 12, 49. N'est-ce pas aujourd'hui le profond désir de notre Seigneur de voir dans son Église le feu du premier amour se rallumer ? Que dis-je ? De voir dans chacune de nos vies de chrétiens ce feu sacré brûler à nouveau et consumer tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté, afin que nos vies soient à nouveau utiles dans sa main et que nous devenions tous ces vainqueurs qu'il cherche au XXIe siècle. Aux chrétiens d'Éphèse qui avaient prêté l'oreille à la voix du Saint-Esprit, le Seigneur a fait une promesse magnifique. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, 7. C'est une allusion à la félicité qu'avaient connue Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nos premiers parents jouissaient alors d'une communion sans ombre avec l'Éternel. Il leur parlait directement et rien ne les séparait de lui. Selon Genèse 2, ils vivaient dans le paradis de Dieu et auraient pu se nourrir du fruit de l'arbre de vie. C'est dans l'éternité à venir que ceux qui auront été rachetés par le sang de Christ découvriront à nouveau la communion sans ombre dans le paradis de Dieu. Le dernier chapitre de l'Apocalypse parle de cet arbre de vie qui produira 12 fois des fruits dans l'année, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles serviront à la guérison des nations. Ensuite, nous lisons « Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Apocalypse 22, 3 à 5. Après les souffrances et les larmes, mais aussi les joies d'un service approuvé de Dieu, nous goûterons un jour avec lui la communion sans ombre dans un nouvel Éden, et nous verrons Christ tel qu'il est. Mais une telle bénédiction exige de nous une décision et un acte d'obéissance, nous repentir, puis nous détacher de la masse et vaincre l'indifférence ambiante et contraignante. Alors nous retrouverons le premier amour et le contact permanent avec Jésus-Christ qui redonnera élan et vie à notre marche chrétienne et à notre service pour lui. Alors l'espérance à venir sera répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit et nous poussera à consacrer notre vie à Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chers auditeurs, vous avez entendu cette émission, mais avez-vous, avons-nous entendu ce que l'Esprit dit aux églises et à chacun d'entre nous ?